Le bon garçon de Marlenheim. Traduit de l'alsacien. Extrait des Petits contes alsaciens de Jules Girardin. Lu par Armen pour audiocité.net. Lorsque Karl était le premier de l'école, je n'avais pas honte d'être le second. Karl était si bon, si généreux. Et puis, c'était un Français comme moi. Plus heureux que nous, Karl est parti pour la France. C'est ce méchant Berlinois de Spitz qui a pris sa place. Oh, comme j'ai honte d'être le second quand je songe que le premier, c'est Spitz. Et lui, de quel air arrogant il nous regarde tous, ce pédant si fier de sa petite science et de ses larges épaules. Je ne souffrirai pas cela plus longtemps et je réparerai le temps perdu. Je me lèverai avant l'aube, je travaillerai encore quand tout le monde dormira déjà. J'userai les feuillets de mes livres afin que le nouveau maître, qui me déteste, dise avec un soupir de regret « Celui-ci en sait plus long que Spitz ». Je suivrai mon père au champ, je retournerai la terre avec la lourde charrue, je rentrerai le foin sur mes épaules, je battrai le blé dans la grange jusqu'à ce que mes épaules soient aussi larges que celles de Spitz. En attendant, s'il me donne un coup de poing, je lui en rendrai deux. On dit que c'est une bonne gymnastique. Mécréant, nous dit le maître, voyez comme le bon Spitz est pieux. Oui, mais quand le maître ne le voit pas, il lit sa leçon dans le livre pour avoir un bon point, et c'est lui, je le sais, qui m'a volé ma toupie. Je ne parlerai pas de Dieu à tout propos en faisant des yeux tout blancs comme Spitz. Mais si Dieu n'est pas sur mes lèvres, il sera dans mon cœur. Et si jamais j'étais tenté de tromper mon maître ou de voler mes camarades, je me souviendrai toujours que Dieu me voit. Quand je serai grand, instruit et fort, je bouclerai mon ceinturon, je suspendrai par-devant ma cartouchière bien remplie. Je tirerai du fourreau ma baïonnette étincelante et je la mettrai au bout de mon fusil. Alors, en compagnie de tous ceux à qui Spitz a volé quelque chose, je m'en irai vers l'Est et, après avoir recommandé mon âme à Dieu, je pousserai devant moi jusqu'à ce que je tombe ou jusqu'à ce que Spitz me rende tout ce qu'il m'a pris. Je ne veux rien de plus. Celui qui a fait cette chanson est un bon garçon de Marlenheim en Alsace. Tout ce qu'il dit, il le fera, car ce n'est pas un menteur, lui. Il engage tous les écoliers de Lorraine, d'Alsace et de France à se choisir un Spitz et à ne jamais l'oublier, même en dormant.